Le groupe The Birds avec leur titre Turn, Turn, Turn sur RGM. Presque 8h37, on parle anniversaire. Ils sont nés un 19 décembre 1942, naissance de Rufus, comédien français vu dans Mr. Freedom. L'américain, Peau d'âne, Promotion Canapé, La Cité des Enfants Perdus, Les Misérables de Claude Lelouch, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain dans le rôle de Raphaël Poulain, le père d'Amélie, Is No Good, Marius de Daniel Auteuil dans le rôle de Picoiseau, Salut on t'aime, Bienvenue à Marly Gaumont ou encore Chacun sa vie. 1963, naissance de Jennifer Beals, actrice américaine connue grâce au rôle d'Alex Owens dans le film Flashdance, vu également à la télévision dans les séries The L Word dans le rôle de Betty Porter, Lie to Me dans le rôle de Zoé Landau ou encore la série Taken dans le rôle de Christina Hart. 1964, naissance de Béatrice Dahl, actrice française vue dans 37-2 le matin dans le rôle de Betty, La vengeance d'une femme dans le rôle de Suzy, Truand, Chacun sa vie de Claude Lelouch dans le rôle de Clémentine ou encore à la télé dans la série 10%. 1965, naissance de Jessica Steen, actrice américaine vue dans Armageddon dans le rôle de Jennifer Watts, le copilote de la navette Freedom ou encore à la télé dans les séries NCIS, Stargate SG-1, Supernatural, Charmed, Les Experts ou encore Flashpoint. 1969, naissance de Christy Swanson, actrice américaine vue dans Hot Shots dans le rôle de Kowalski, la série télé Côte Ouest dans le rôle de Judy Campbell, Demain à la Une dans le rôle d'Erica Padgett, Les Experts Miami, Les Frères Scott ou encore Psych Enquêteur malgré lui. 1972, naissance d'Alyssa Milano, actrice américaine connue pour son rôle de Samantha Micheli dans la série télé Madame est servie, le rôle de Jennifer Mancini dans Melrose Place, celui de Phoebe Halliwell dans la série Charmed, où elle a d'ailleurs été productrice de la série à partir de la saison 5 jusqu'à la saison 8. Vue également dans Spin City, Earl, Mistresses dans le rôle de Sylvie Davis ou encore depuis cette année dans la série Insatiable dans le rôle de Coralie Armstrong. 1980, naissance de Fabien Bourza, patineur français avec sa partenaire Nathalie Péchala. Ils sont double médaillés de bronze au championnat du monde 2012-2014, double champion d'Europe en 2011 et 2012 et quintuple champion de France 2009, 2011, 2012, 2013 et 2014. C'est également l'année de naissance de Jake Gyllenhaal, acteur américain vu dans Highway, Le jour d'après dans le rôle de Sam Hall, Le secret de Brokeback Mountain dans le rôle de Jack Twist, Jared, la fin de l'innocence dans le rôle d'Anthony Sofford, Prince of Persia, les sables du temps dans le rôle du prince d'Astan, Démolition, Nocturnal Animals, Les Frères Sisters de Jacques Audiard sorti en septembre dernier où il interprète le rôle de Maurice. Dans le film Wildlife, une saison ardente, actuellement au cinéma à partir d'aujourd'hui, on en parle dans quelques instants, il interprète le rôle de Jerry Brinson. Il sera à l'affiche en 2019 de Spider-Man Far From Home dans le rôle de Quentin Beck alias Mysterio, actuellement en tournage. 1983, naissance de Julien Dupuis, ancien joueur de rugby français, ayant fait carrière de 2002 à 2017 en jouant à Biarritz, à Leicester et au Stade français. C'est également l'année de naissance de Yannick Nianga, ancien joueur de rugby français, ayant fait carrière de 2002 à 2018 en jouant à Béziers, Toulouse et au Racing 92. 1987, naissance de Karim Benzema, footballeur français professionnel depuis 2005. De 2005 à 2009, il a joué à l'Olympique Lyonnais. Et depuis 2009, il joue au Real Madrid. 1988, naissance d'Alexis Sanchez, footballeur chilien professionnel depuis 2005, ayant joué au club de CD Cobreloa, Udinese Calcio, au club de Colo-Colo, au River Plate, au FC Barcelone, Arsenal. Et depuis janvier 2018, il joue à Manchester United. En 1848, décédé Emily Brandt, femme de lettres britannique qui a publié d'ailleurs un seul roman, Les Hauts de Hurlevent, mais considéré comme un classique de la littérature anglaise et mondiale. En 1993, décédé Mike Clark, batteur américain du groupe The Birds. En 1996, décédé Marcello Mastroianni, acteur italien, vu entre autres dans La Dolce Vita, 8 et demi, La Nuit, Hier, Aujourd'hui et Demain. Divorce à l'italienne, Une journée particulière, Le bel Antonio, vu également dans le film drame de la jalousie, récompensé par le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes, et vu aussi dans Les Yeux Noirs, récompensé là aussi par le prix d'interprétation masculine. Et en 1999, décédé Desmond Lelin, acteur britannique qui incarnait le personnage de Q, l'incroyable scientifique pourvoyeur de gadgets en tout genre dans 17 James Bond. Allez, avant de marquer une pause musicale, on passe aux sorties cinéma comme tous les mercredis. On commence avec Aquaman, un film d'action de James Wan avec Jason Momoa, Amber Heard ou encore Willem Dafoe. Autre film, Le Retour de Mary Poppins, comédie musicale, familiale et fantastique de Rob Marshall avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda ou encore Ben Whishaw. Autre film, L'Empereur de Paris, un film historique policier de Jean-François Richet avec Vincent Cassel, Freya Mavor ou encore Denis Ménochet. Autre film, Le Gendre de ma vie, comédie de François Dezania avec Cadmerade, Pauline Étienne ou encore Julie Gayet. Autre film, The Happy Prince, un biopic de Rupert Everett avec Rupert Everett aux côtés de Colin Firth ou encore Colin Morgan. Et enfin, dernier film, Wildlife, une saison ardente, un drame de Paul Dano avec donc Jake Gyllenhaal aux côtés de Carey Mulligan ou encore Ed Oxenbould. Voilà pour les sorties cinéma. On va tout de suite marquer une nouvelle pause musicale avec Irène Cara et en hommage au film Flashdance, on écoute What a Feeling. First, when there's nothing but a slow glowing dream, that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride, in a world made of steel, made of we'll What a Feeling, Flashdance, interprété par Irène Cara sur le 107 FM. Un peu plus de 8h47, on fait un point météo. La météo. Alors, comme je vous le disais en tout début d'émission, hein, quand on parlait du dicton du jour, eh bien aujourd'hui, malheureusement, hein, ce serait une journée pluvieuse. Alors, espérons quand même que ce dicton ne soit pas vrai, hein, parce que 40 jours de pluie, ça va être bien long. Des températures comprises entre 6 et 7 degrés ce matin, entre 7 et 8 degrés pour cet après-midi. Pour jeudi, eh bien ce sera encore de la pluie avec des rafales de vent, des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin, entre 6 et 7 degrés l'après-midi, vendredi, pluie et vent également au programme. Des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 9 et 10 degrés prévues pour vendredi après-midi. Allez, on fait un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. En football, en Ligue 1, Caen s'est imposé 2-1 face à Toulouse. En Coupe de la Ligue, le Paris Saint-Germain a eu du mal, mais s'est imposé face à Orléans sur le score de 2-1. Aujourd'hui, Amiens affronte Lyon, Dijon, Bordeaux, Le Havre, Nîmes, Rennes, Nantes, Monaco, Lorient, Nice, Guingamp et Marseille, Strasbourg. Et du côté de Manchester United, rien ne va plus, puisqu'on a appris hier le départ de José Mourinho avec fait immédiat, donc il sera remplacé provisoirement avant de trouver un nouveau coach. Alors bien évidemment, on parle hein, d'Arsène Wenger ou encore Zinedine Zidane depuis qu'ils ont quitté leur poste respectif à Arsenal et au Real Madrid. Donc voilà, affaire à suivre pour le club de Manchester United hein, de Paul Pogba, prochain adversaire d'ailleurs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Un mot de basket avec les résultats en National 1 et le Jet Vosges qui s'éclate incliné d'un petit point à force, 74 à 73. Et du côté de la NBA, l'équipe de Washington de Miami s'est inclinée face à Atlanta, 118 à 110, 2 points et 4 rebonds pour le français. Et on termine cette actualité avec du biathlon en IBU Cup aujourd'hui en Autriche. C'est l'individuel où on retrouvera les frères Claude, hein, Fabien et Emilien ou encore Simon Fourcade. Quant à la Coupe du Monde, ça reprendra demain à Nové Mesto en République tchèque. Et du côté des équipes masculines et féminines, aucun changement n'a été opéré. On repartira avec donc les mêmes pour cette troisième semaine en Coupe du Monde. On en parle demain. Allez, on va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec une nouveauté signée Claudio Capeo. Ça s'intitule Tom. Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Il y a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent des larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent, moi ma main je l'attends. Donne-moi ta main, gamin, et t'en prends la scène et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et reprends la sienne. Tournerons en rond, allez ma peine. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main, gamin, et nous tournerons en rond, allez ma peine. Parfois elles sont heureuses, parfois elles sont si seules. Elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y'a des gens qui la gantent. On les met à couper, y'a des gens qui les demandent. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent de larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent. Moi ta main,